attention. Pile. Personnel, bien sûr. Ceux qui savent, ne partagent pas leur savoir. Yes. Écoute bien, on va faire du Miami Bass. Dès que Monsieur Dodd Crockett, yes. Ricardo, Ricardo. Sérieux.